l'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Jamais couronné dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré, dans ceux qui ont